Non. Puis quand on se tait, c'est qu'on a beaucoup de choses à se dire. On essaie de penser à ce que l'autre pense. C'est agréable. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Non. Non, je ne pense à rien, je suis très bien. Je suis très heureuse que vous m'ayez emmenée avec vous. C'est tout. On n'est pas difficile, une petite promenade comme ça sur la plage et puis vous l'avez heureuse comme les enfants. Ah, je voudrais bien être encore comme les enfants. Quand j'étais petite, c'était tellement simple. J'étais heureuse, je riais, j'étais malheureuse, je pleurais. Et maintenant? Quoi maintenant? Oh, maintenant c'est plus pareil. Je suis heureuse, malheureuse, tout est mélangé, on ne s'y retrouve plus. Very far? Not very, right along here. And is he really all right? He and my uncle are great friends. Oh, I guess he's all right then. You needn't worry. He's all right. He's a darling blacksmith. Only I'm not quite sure how much experience he's had with handcuffs. Do you mind if I see them? What do we have to do to get them off? I can't quite see. Could you hold them a little nearer? Now I feel better. I'll bet you do. I'll bet this just makes you feel great, doesn't it? In case you're interested, the blacksmith shop is 2 miles back. We're on our way to the police. Your uncle's certainly going to be proud of you. The world isn't full of kind old gentlemen like my uncle. You're going to find that out. Even my uncle wouldn't have been so kind if he'd known more about you. All right, go ahead. What did I do? I'd be kind of happy to know. If there'd been any other sort of crime, if a man had stolen because he was starving, even if a man committed murder to defend himself, maybe I wouldn't tell the police. There's only one reason why a man commits sabotage, and that's worse than murder. Surprise for you, Miss Martin. I agree with every word you say. Please don't talk to me. That'll be my pleasure. Well, I'll see that she doesn't. Après venir Avec moi. En France. Hein? Avec l'autre, non. Hein? Here. That is often big. Elle. Elle. Geschnell. Besser. Lotte hat blaue Augen. Blaue Augen. Écriture, effectivement, là, en vidéo. Entre-temps, j'ai découvert le vidéo art, la vidéo. Voilà, donc on essaye de faire ça aussi, mais c'est un peu laborieux, mais bon, c'était d'essayer de faire un voyage intérieur, à travers des souvenirs de cinéma. Et alors, qu'est-ce qu'après la vidéo oui, après j'ai continué à amener du matériel dont on avait fait l'acquisition pour le groupe, là, qui était le coloriseur de Marcel Dupouille, tu te rappelles. Il est venu même à... Oui, il a fait en quelle cours. Année, il a fait un cours. Fait un cours là. Ouais. Oh, mais c'était à Saint-Denis. C'était à Saint-Denis, donc c'était après les années 80. Dans les années 80. C'est pas notre sujet, là, voilà. Non, on reparlera des années 80 par ailleurs, voilà. par la suite. L'heure tourne dangereusement. Tout à l'heure, Sophie, peut-être tu pourras intervenir au moment des questions, mais là, ce serait bien qu'on puisse mettre en parallèle l'expérience de Paris 8 et de l'École nationale supérieure des beaux-arts, grâce à Mathilde Ferrer, qui est donc l'ancienne responsable de la médiathèque de l'école. Tu l'as été entre 1969 et 2003, date à laquelle Martine Markowitz, qui est à ta gauche, a pris le relais à ce poste.